Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa nuwasilu qissata sulhil hudaybiyyah. Wa laqad intaha ilayna al-kalam fi al-jum'ati al-madiyah ila tatabu'i al-rusul. تتابعت الرسل التي أرسلتها قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc nous sommes arrêtés la semaine passée dans l'histoire de Sulh al-Hudaybiyyah à l'envoi de la part de Quraysh des différents consuls, ceux qu'ils ont envoyés ou ambassadeurs qu'ils ont envoyés au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc Quraysh a envoyé plusieurs émissaires comme nous l'avons vu la semaine passée. Et lorsqu'ils revenaient à leur peuple, ils ne revenaient pas avec la chose recherchée. Boudayl, ensuite Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui s'est converti par la suite, puis Al-Hulays ibn Al-Qamah, qui à la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des nombreuses bêtes qu'ils avaient amenées afin d'être sacrifiés pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis Mikriz, et enfin Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu, qui lui aussi par la suite se convertira. Lorsque Mikriz est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: Hadha Mikriz wa huwa rajulun fajir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme envoyé par Quraysh qui se prénomme Mikriz, il a dit alayhi salat wa salam: voici Mikriz, et c'est une mauvaise personne. Et c'est une mauvaise personne. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus pieux, celui qui avait le meilleur des comportements, il a critiqué cet homme. Et il a dit le concernant ce qu'il y avait sur lui. Donc par moments c'est permis de critiquer la personne et ça n'entre pas dans le mauvais comportement. Et ça n'entre pas dans le mauvais comportement, mais il faut pour cela des conditions ou des sagesses, comme le fait d'avertir la communauté contre le mal d'une personne, que ce soit une personne musulmane ou que ce soit une personne non musulmane. Si on redoute un mal de sa part ou s'il peut nuire au groupe et à la communauté, il nous est légiféré d'avertir contre son mal avec science et justice. Le prophète alayhi salatu wassalam ici nous dit wa huwa rajulun fajir. Il est venu à parler au prophète alayhi salatu wassalam. Wa baynama yatahaddathu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idh ja'ahu Suhayl ibn Amr. Et alors qu'il était en train de parler avec le prophète alayhi salatu wassalam, il y a Suhayl ibn Amr qui est venu en tant que messager de la part de Quraysh, qui est venu en tant que messager de la part de Quraysh. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Suhayl, il a dit laqad sahula lakumul amr. Votre affaire va être facilitée. Ça c'est mimbab at-tafa'ul. Ça fait partie de l'optimisme, car le prénom de cet homme était Suhayl, c'est la petite facilité. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit votre ordre, votre affaire va être facilitée. À ne pas confondre avec son contraire, comme at-tiyara, at-tasha'um, la superstition et l'augure. Ça c'est du shirk. La personne voit par exemple un corbeau ou un chat noir ou autre, elle dit tu vas avoir un malheur et ce genre de paroles. Seul Allah Azza wa Jal est capable d'apporter le bien, de repousser le mal, de te toucher d'un bien, de te toucher d'un mal. Tout cela appartient à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il n'y a aucune incidence Quant au fait de voir un chat noir ou de passer sous une échelle, ces choses-là ne sont pas des causes. La kaunan wa la shara'a. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décidé que la vision de telles choses apportait le mal. Mais l'optimisme est une bonne chose en religion. Tu vois une bonne chose, tu vois une belle chose, alors ça renforce ton optimisme et ta bonne opinion quant au fait de recevoir le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الحديث أخرجه أحمد رحمه الله تعالى. عند ابن إسحاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية سهيل قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام l'a vu, il a dit à ses compagnons que Quraysh cherche la conciliation et à faire un pacte avec nous. C'est pour cela qu'ils ont envoyé cet homme, c'est-à-dire Quraysh. Et on trouve dans le Bukhari que Quraysh ont dit à Suhail ibn Amr, « I'ti Muhammadan fasalih » Rentre-toi auprès de Muhammad et établis avec lui un pacte. « Falamma ata » قال هات اكتب لنا او بيننا وبينكم كتابا. Donc Suhail, en arrivant, a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lui a dit, apporte de quoi écrire afin que l'on conclue entre nous et vous un pacte. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبه. من كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a appelé son scribe afin qu'il écrive le pacte. Qui était-il? علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن مناقبه العظام أنه كاتب صلح الحديبية. Donc parmi les grandes qualité de Ali ibn Abi Talib et ses mérites, le fait qu'il fut le scribe le jour de Al-Hudaybiyah radiyallahu anhu, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une version, il nous a été mentionné que Suhail ibn Amr radiyallahu anhu est venu accompagné d'un autre homme qui se prénomme Huwaytib. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à dicter à Ali ibn Abi Talib, en commençant par quoi? Al-Basmala. Il lui a dit, Uktub bismillahir rahmanir rahim. Et de cela on tire Al-Bad'u bil-Basmala fil umur il-Idham wa umur il-Din. De cela les savants ont tiré le caractère légiféré recommandé de commencer par la basmala. La basmala, c'est bismillahir rahmanir rahim. Quant à la tasmiya, c'est bismillah. Donc tu commences dans les choses importantes et les choses religieuses par bismillahir rahmanir rahim. On trouve cela dans de nombreux hadiths. Et le Hafiz ibn Hajar fil Fath nous dit que l'agissement des gens de science est resté sur cela dans le commencement de leurs ouvrages. Ils commencent tous par bismillahir rahmanir rahim. Ali ibn Abi Talib a donc écrit bismillahir rahmanir rahim. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a pas écrit lui-même? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas écrit lui-même, mais il a appelé un scribe, Yanis? Car il était ummi, il était illettré sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le fait d'être illettré, c'est une qualité ou c'est un défaut? Cette question a une portée générale. Est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? C'est un défaut. Nous sommes d'accord. Qu'en est-il du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui était illettré? Est-ce que dans son cas c'est un défaut? Est-ce que dans son cas c'est un défaut? Indaman. Man yujib ala hadha as-su'al? Ayyub. Non, c'est pas un défaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou nous-mêmes, on apprend à lire, on apprend à écrire, c'est pour l'obtention de la science, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir acquérir les connaissances. Quant à lui, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné directement. Donc il n'a pas eu d'imperfection à travers cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné directement. Deuxièmement, le miracle est d'autant plus grand, car il est venu avec la qualité dans laquelle excellait Quraysh, la prose, la poésie et autres, les belles paroles, lui est venu avec le Coran al-Karim. Et lui qui était illettré est venu avec un livre que les spécialistes du domaine n'ont pas réussi à égaler. Ni un livre semblable, ni 10 sourates, ni une courte sourate du Coran. Alors que lui était illettré et eux savants de l'art de parler. Donc le miracle du Coran est encore plus grand, car on ne peut le suspecter d'avoir lui-même écrit ou recopié le Coran, du fait qu'il était ummi. Du fait qu'il était ummi. Donc ça n'est pas un défaut le concernant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, Suhayl ibn Amr a dit Amma ar-Rahman fa wallahi ma adri ma hu. Suhayl a rejeté le nom d'Allah ar-Rahman. Suhayl ibn Amr radiallahu anhu a rejeté le nom d'Allah ar-Rahman. Thumma qala lah bal اكتب باسمك اللهم اكتب باسمك اللهم. On voit ici que parmi les grandes fautes de Quraysh, inkar ismillah ar-Rahman. Et cela fait partie de quelle sorte de tawhid? Naam, al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Donc parmi les fautes de Quraysh et leur contradiction avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a inkar ba'd al-asma. Pas les noms de manière générale, ni les attributs d'Allah de manière générale, mais certaines, yani ba'd al-afrad al-asma wa sifat. Donc Quraysh ont renié, ont rejeté et ont eu des fautes dans certaines parties. De quelle science? Al-asma والصفات وهذا الذي يسمى بالإلحاد يسمى بالإلحاد. Et ça c'est une des fautes très graves dans le domaine de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Notre obligation est d'avoir foi au nom d'Allah et ses attributs, les affirmer, on en connaît le sens, c'est le sens de la langue arabe, le sens apparent, on les affirme et on ignore le comment. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Ainsi, tu vois que ceux qui renient les noms d'Allah ou ses attributs ont une ressemblance avec qui? Comme Al-Jahmiya, comme Al-Mu'tazila et comme Amada. Ceux après qui ont renié Al-Mada, Al-Sifat, ou Akthar Al-Sifat, Al-Maturidiyya, ou Al-Asha'ira, sauf 7 attributs ou 8 attributs pour les autres. Ils ont une ressemblance avec qui ces gens-là? Avec Quraysh. Donc celui qui renie des attributs d'Allah ou des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala a une ressemblance avec Kuffar Quraysh. Et celui qui affirme les noms d'Allah azza wa jal, qu'il s'est affirmé à lui-même ou lui a affirmé le prophète alayhi salatu wa salam, il a une ressemblance avec qui? Avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis as-sahaba. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ Lequel des deux parties est le plus en droit à la sécurité? De qui tu préfères te réclamer? Du prophète عليه الصلاة والسلام ou de Kuffar Quraysh? فالحمد لله على السنة وفي ذلك إثبات فضيلة أهل السنة وأنهم على الحق. Et dans cela tu vois que le chemin et la méthodologie des gens de la sunna est le chemin de la vérité dans ce domaine et dans les autres. Et on n'oublie pas de dire que la divergence majeure entre Kuffar Quraysh, le peuple auquel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et son messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam était dans quel type de tawhid? Al-uluhiyya. Naam. Al-uluhiyya. La plus grande divergence, la plus grande dispute a eu lieu dans le domaine de l'adoration. Mais est-ce que Quraysh, malgré ça, a contredit ou a eu des défaillances dans Rububiyya et Asma wa Sifat? Ou bien est-ce qu'ils ont concrétisé Tawhid al-Rububiyya et Asma wa Sifat et ensuite ils ont fait du shirk que dans l'Uluhiyya? Laysa al-amru kadhalik. Dans Rububiyya, ils ont eu des fautes. Dans Rububiyya, ils ont eu des fautes, comme At-Tiyara, comme Ja'al, Malay Sabi Sababin Sababa. Ça, c'est dans Rububiyya. Comme At-Tama'il, comme les talismans et autres. Ils ont pensé que ça avait le pouvoir en tant que cause de concrétiser une affaire ou de repousser un mal avec la permission d'Allah ou sans sa permission. C'est du shirk. Ça, c'est dans Rububiyya. Dans l'asma sifat, on vient de l'entendre. Avec le nom d'Allah, Ar-Rahman. Est-ce que c'est dans la sunna? Est-ce qu'on trouve cela dans le Coran? Est-ce qu'on trouve cela dans le Coran ou pas? Le fait qu'ils ont rejeté certains noms. Wahum yakfuruna bi Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bi Ar-Rahman. Et dans Surat Al-Furqan, wa idha qila lahum usjudu li Ar-Rahman, qalu wa ma Ar-Rahman. قالوا وما الرحمن والله مستعان أما أنت المسلم الموحد أنت بحمد الله تبارك وتعالى تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه ما نفع عن نفسه عليه سبحانه وتعالى أو نفع عنه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إتوى كالله أجدار الإسلام et à la sunnah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu dis sur Allah tout ce qu'il a dit sur lui-même. Tous ses noms, tous ses attributs, tu les affirmes. Et tout ce qu'il a rejeté, les défauts, les imperfections, tu les rejettes. Et les deux grands chapitres qu'on contredit Quraysh, principalement, c'est Tawhidullah fi uluhiyatihi. Quel est le deuxième grand domaine? Al-Ba'th, Al-Iman ou Bil-Ba'th, la foi en la résurrection des morts. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, Uktub bismikallahumma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, Uktub bismikallahumma. J'ai oublié un deuxième nom qu'ils ont rejeté, donc Ar-Rahim. Car ils ont rejeté. Ils ont refusé également d'écrire Ar-Rahim. Revenez à Tafsir Ibn Kathir et Tabari. Qala al-muslimun wallah ma naktubuha. Les musulmans se sont énervés de la parole de Suhayl radiyallahu anhu lorsqu'il a demandé de ne pas écrire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont donc dit, Wallah, on n'écrira que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Uktub bismikallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, Uktub hada ma qada Muhammadur Rasulullah. Écrit, voici ce qu'a jugez Mohammed le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Suhayl a dit Wallah, لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك ولما صددناك عن البيت ولكن اكتب محمد ابن عبد الله من محمد ابن عبد الله. Suhayl lui a dit, Wallah, si nous avions eu connaissance que tu es le messager d'Allah, que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'aurions jamais combattu, ni empêché d'entrer à la maison sacrée, c'est-à-dire à Mecca, dans le Masjid al-Haram, mais écrit plutôt Muhammad fils de Abdullah. Muhammad fils de Abdullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Wallahi, inni la rasulullah » Il lui a dit « Je jure par Allah que je suis le messager d'Allah. « Wa in kazzabtumuni » Même si vous me démentez. Et dans cela, il y a le fait de rejeter le faux et de rétablir la vérité. Si on dit de toi une mauvaise parole et que c'est entre toi et la personne, c'est ton haq. Tu as le droit de le prendre ou de laisser passer. Mais si ça touche et ça se répercute, il te faut rétablir la vérité. Youssouf alayhi salam, lorsqu'il est entré en prison et qu'on lui a dit ça, il a refusé de sortir tant que son honneur n'allait pas être lavé. Naam. Lorsqu'ils ont dit à Nuh alayhi salam, lorsqu'ils leur ont dit, ils lui ont dit des mauvaises paroles, il a réfuté. Lorsqu'ils ont dit à Hud alayhi salam des mauvaises paroles, il les a réfutées. Naam. Lorsqu'ils ont dit ici tu n'es pas le messager d'Allah, il les a réfutées. Donc si on dit un faux, du faux sur toi, un mal sur toi, réfute. Naam. Réfute cette parole. Si tu es accusé, réfute cette parole. Et innocente-toi de cette parole. Ne dis pas je me fiche de ce que pensent les gens de moi. Ça tu peux le dire dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Naam. Mais pas dans d'autres. Car ton silence peut être une cause de la propagation du batil, du mal, et de la faiblesse du vrai, du bon et des gens de la vérité. Et des gens de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, Uktub min Muhammad ibn Abdillah. Efface mon nom, Husmi, Waktub min Muhammad ou Badalaha ibn Abdillah. Ibn Abdillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, efface Rasulullah et écrit Ibn Abdillah. Ali ibn Abi Talib a dit, Wallah, jamais j'effacerai cela. Naam, radiallahu anhu. Il a dit, jamais j'effacerai cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, montre-moi où est-ce que c'est écrit. Et il l'a effacé de sa main. Naam, il l'a effacé de sa main. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tasamaha ma'ahum? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a été aussi indulgent dans cela? On remarque qu'il y a eu deux épisodes. Lorsqu'il est arrivé, c'était une grande détermination et la célérité et prendre son droit pleinement. On va faire l'Umrah, on va faire le Tawaf, et tous ceux qui nous empêcheront, on les combattra. Puis il y a eu un événement qui a changé la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lequel? Au contraire. La révélation. Non. Là. Non. Lamma barakatin naqa. Lorsque la chamelle s'est posée, elle n'a plus voulu bouger. Qu'ont dit les sahaba? Khala'atin naqa. Qala laha an-nabi, qala lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la. Wa ma dhalika laha bi khuluq, walakin habasa habisu al-fil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. La chamelle n'a pas agi comme vous le dites. Mais il l'a empêché ce qui avait empêché l'éléphant. Vous connaissez tous l'histoire de l'éléphant lorsque Abraha a voulu détruire Al-Kaaba accompagné d'éléphants, dont un qui était énorme. Il n'a plus pu avancer. Qui est-ce qui l'a empêché d'avancer? Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, c'est Allah qui a retenu ou qui a empêché d'avancer An-Naqa. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a changé sa démarche. Et il a dit qu'ils ne lui proposeront aucun traité dans lequel ils immensifieront ma'adha sha'i'ar Allah sans qu'il l'accepte. À ce moment-là, il y a eu tasamuh car Allah Azza wa Jal a révélé. Il y a eu la révélation. Avant cela, il était prêt à les combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc commencé à citer les points du traité en disant « Ala annakum ». Premièrement, vous devez nous laisser faire le tawaf et faire l'umrah. « Tukhallawna baynana wa bayna al-bayti fanatoufu bih ». Quel est le premier point du traité ? Vous nous laissez faire le tawaf, vous nous laissez entrer al-Kaaba pour faire le tawaf. Chez les femmes, retenez les enfants. Fanatoufu bih. Qala Suhayl. La wallah. Suhayl s'est interposé et a dit par Allah, non. La tatahaddathu al-arab anna ukhidhna darfa ay qahran biquwa. Suhayl a dit, non, je jure par Allah que vous ne pourrez faire cela cette année, mais l'année prochaine. Vous reviendrez l'année prochaine. Afin que les Arabes ne disent pas de nous que vous êtes entrés en force et que vous nous avez eu en force. Vous avez compris ? Ils n'ont pas voulu que les Arabes de la péninsule arabique disent que Mohammed est entré à Mecca en force avec son armée et que Quraysh a faibli. Walakin dhalika fil 'am al-muqbil. Puis Suhayl a dit, mais à partir de l'année prochaine, vous pourrez venir faire le tawaf ou l'umra. فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت لها ثلاثا. Ils lui ont dit, tu viendras l'année prochaine, tu feras le tawaf, on sortira pendant trois jours. Mais tu ne porteras pas d'armes, si ce n'est les armes du voyageur. Et les épées devront être au fourreau, si c'est ainsi qu'on dit. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط أيضا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a accepté cette condition. La deuxième condition, قال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. Le deuxième point du traité a été énoncé par Suhayl. Radiallahu anhu, il dit, aucun homme parmi nous, c'est-à-dire chez Quraysh, même s'il est sur votre religion, même s'il s'est converti à l'islam, ne viendra à vous sans que vous ne nous le renvoyiez. Est-ce que vous avez compris ? Il se sauve de Mecca, il fait le hijra, il rejoint les musulmans à Médine, vous aurez l'obligation de nous le retourner. Vous aurez l'obligation de nous le retourner à la Mecque. Alors les musulmans ont dit Subhanallah. Et Subhanallah, exempté soit Allah de tout défaut, est une parole qu'on peut dire aussi lors de l'étonnement. Lors de l'étonnement. Ou du désagrément ou autre. Comme on le trouve dans la Sunna. Comment est-ce qu'on pourrait le retourner aux associateurs alors qu'il nous est venu musulman? بَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ. Alors qu'ils étaient en train de parler de cette condition de ce traité, c'est alors qu'est arrivé Abu Jandal. Enchaîné, il est arrivé du sud de Mecca et il s'est jeté sur les musulmans. Il était auparavant fait prisonnier chez Quraysh. Il était torturé pour qu'il sorte de l'islam. Mais lui restait accroché à sa religion. Qui est Abu Jandal? Qui est Abu Jandal? Celui qui est arrivé enchaîné, qui s'est sauvé et qui est enfin arrivé chez les musulmans et qui a vu à travers cela sa délivrance. Naam. C'est le fils de Suhayl ibn Amr qui est en train de traiter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Suhayl l'a vu, radiallahu anhu, il a dit, alors qu'il l'a vu enchaîné, il l'a vu qu'il s'est délivré auprès des croyants, il a dit, Ya Muhammad, hada awwal man aqdika alayk. Il lui a dit, oh Muhammad, c'est le premier sur lequel nous allons juger dans notre affaire. On va voir si tu respectes notre traité. Quel est ce traité? Si un sort de Quraysh et vient à eux, ils doivent le leur retourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, inna lam naqdi al-kitab ba'd. Nous n'avons pas encore fini le traité. Alors Suhayl a dit, wallah idan lam usalihk. Il lui a dit, alors, par Allah, jamais je ne traiterai avec toi. لم أصالحك على شيء أبدا. فلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضعف مكريز ورفض ماذا سهيل وكان ابنه فلاطمه أو ضربه وجره معه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors fais-en exception et laisse-le moi. Et Suhail disait non. Et il était ferme sur sa position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait, au point où Mikriz, donc celui qui était avec Suhail avant lui, celui qui était avant Suhail, même lui a cédé et a dit: prends-le. Suhail a dit non. Il a frappé son fils, il l'a attrapé par le vêtement et il l'a tiré de la sorte. Il l'a tiré de la sorte. Alors Abu Jandal a crié et a dit: oh vous les croyants, oh vous les musulmans, ne voyez-vous pas que je reviens de Quraysh et ils m'ont torturé, tout cela pour mon islam, et vous me laissez repartir avec eux? Ça l'a peiné, et les croyants, cette action a ajouté peine à leur peine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: isbir. Il lui a dit: isbir, fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa makhraja. Car certes Allah t'accordera à toi et ceux qui seront avec toi une délivrance et une issue. Une délivrance et une issue. Puis il lui a dit qu'il a traité avec eux et qu'il n'allait pas rompre son engagement. La nardiru bihim. Ici il y a une grande leçon. Ce pacte est entre qui et qui? Entre les croyants et les associateurs, n'est-ce pas? Entre Ahlul Islam et les associateurs, Kuffar Quraysh, n'est-ce pas? Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas trahi le pacte en disant: ils ne sont pas musulmans, donc je peux les trahir, je peux les tromper. Non. El muslim la yardi. Le musulman, il ne trahit pas. Il ne triche pas. Il ne ment pas. Wa sadiq. Amin. Le croyant est propre. Le croyant est droit. Il est véridique. Même envers ceux qui trichent, il ne triche pas. Si eux utilisent la désobéissance d'Allah pour arriver à un but, toi tu ne vas pas répondre avec la désobéissance d'Allah pour arriver à un but, mais avec son obéissance et son invocation et la soumission à ses ordres. Premier point. Deuxième point. Certains qui tentent d'entrer en politique, bien que dépourvus de toute science, de dîn et de dounia en politique, se mettent à critiquer certains pays musulmans. Ils disent: regardez, ils traitent avec qui? Regardez, ils traitent avec les Américains. Regardez, ils traitent avec les Français. Regardez, ils traitent avec et avec. Non. Est-ce que vous connaissez une nation qui a fait ce qu'a fait Quraysh? Qui a fait couler le sang du prophète alayhi salam, qui a tenté de l'assassiner, qui a assassiné de ses compagnons? Est-ce que vous connaissez une nation qui a fait cela? Pourtant le prophète alayhi salam traite avec eux ce dans quoi il y a la maslaha, n'est-ce pas? Al khawarij wa dawa'ish wa ghayruhuma min ahli al bid'a wal ahwa disent: si vous traitez avec un pays non musulman, ça veut dire que vous aimez la mécréance. Et si vous aimez la mécréance, ça veut dire que vous-même vous êtes sorti de l'islam. Est-ce que cette philosophie et cet égarement est bon? On revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit qu'il a traité avec d'autres pays. Et qu'il a envoyé des consuls, des ambassadeurs dans d'autres pays. Et il a traité avec eux des pactes de non-agression et autres. Comme il l'avait fait à Al-Madinah. Avec Bani Quraïza, une tribu juive, n'est-ce pas? Auparavant, Bani Qaynuqa, et entre les deux, Bani Nadir. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'ahadith. Qu'avez-vous comme texte du Coran ou de la Sunna qui vient appuyer votre égarement? Rien, si ce n'est une mauvaise compréhension. Rien, si ce n'est une jeunesse qui n'est pas revenue à ses savants. Et comme l'ont dit les anciens, c'est certes égaré celui qui a ignoré l'histoire. Le fait de connaître l'histoire, c'est très important pour suivre le manhaj authentique. Celui qui n'étudie pas As-Sira, il sera da'if dans le manhaj. Celui qui n'étudie pas As-Sira, il sera da'if dans le manhaj. Car il ne connaîtra pas les Ahd al-Makki, la période mekkoise, c'est-à-dire avant l'Hijra, et la période médinoise, c'est-à-dire après l'Hijra, et ce pacte sur l'Hudaybiyya, et comment il s'est déroulé. Donc la connaissance de l'histoire est un point très important pour suivre le juste milieu dans le din. Ni tu as du laxisme dans ta pratique religieuse, ni tu tombes dans l'exagération. Donc tu n'as pas le droit de trahir et de tricher et de voler et d'assassiner. Tu dis oui mais ils ne sont pas musulmans. Là, c'est haram ou zulm. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a vu Abu Jandal repartir avec son père, il était tiré, il était frappé. Il s'est avancé et a marché aux côtés de Abu Jandal, radiallahu anhu. Et il lui a dit, isbir. Il lui a dit, patiente. Un point que j'ai oublié de citer. Les musulmans à ce moment-là étaient combien? Plus de 1400. Et les émissaires de Quraysh étaient combien? Ils étaient trois. Il restait trois personnes. Avec la plus grande facilité, ils auraient pu les prendre et les assassiner. Mais ils ne l'ont pas fait. Car ils ne sont pas en guerre à ce moment-là. Donc tu ne trahis pas, même si lorsque tu es en position de force. Omar ibn Khattab a marché aux côtés de Abu Jandal et lui a dit patiente. Puis il lui a dit une parole pour l'inciter à se débarrasser de son père et se sauver. Et Omar ibn Khattab marchait et il avait avec lui son épée. Et il montrait à Abu Jandal son épée. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Abu Jandal prenne l'épée, il s'en prenne à son père et se sauve. Mais il n'a pas pu faire cela. Et le traité a été conclu et finalisé. Parmi les autres points du traité, il y a eu Wad'ul Harbi Ashra Sinin. Il y a eu l'arrêt de la guerre durant 10 ans. Ils ont écrit dans le traité, on arrête de se combattre durant 10 ans et les gens seront donc en sécurité. Celui qui veut rentrer sous la main de Mohammed pourra le faire. Et celui qui veut entrer avec Quraysh, il pourra le faire. Alors, la tribu de Khuza'a s'est levée et a dit, nous, on entre avec Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres sont entrés chez Quraysh. Beaucoup parmi les compagnons ont eu très mal. Se sont attristés et ont été touchés d'une grande affliction. Et tout cela nous est démontré, par exemple, lorsque Ali ibn Abi Talib a refusé d'effacer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout sa qualité de messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, montre-moi, il a effacé lui-même. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, aussi avant ça, lorsqu'ils ont mis dans le traité que si un croyant vient à Al-Médina, ils allaient devoir le renvoyer. Mais si un croyant de Médina vient chez eux, ils n'ont pas à le renvoyer. En apparence, tout ça c'est du zulm, c'est de l'injustice. En apparence, tout cela est de l'injustice. Mais Allah, il est alim, khabirun, hakimun, latif, subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab, ce jour-là, a une certaine position. Il nous raconte lui-même son histoire et dit, je suis parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, Ya Rasulallah, alesta nabiy Allah haqqan? Qala bala. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ô messager d'Allah, n'es-tu pas réellement, véritablement le prophète d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, certes. قال ألسنا على الحق والعدو ala al-batil, ne sommes-nous pas nous sur la vérité et nos ennemis sur le faux, dans le faux? Qala bala, il lui a dit certes. Qala falima nu'ti ad-daniyata fi dinina wa fi riwayah adh-dhulla. Pourquoi alors on se rabaisse dans notre religion? Pourquoi alors on se rabaisse dans notre religion? Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Omar était en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en apparence, il y a une faiblesse des croyants et une élévation des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Omar, « Oh Omar, inni rasulullah, je suis le messager d'Allah, wa lastu a'si, et je ne lui désobéis pas. » C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est suite à l'ordre d'Allah. « Wallahu na'siri, et Allah m'apportera son secours. » Puis Omar radiallahu anhu a continué, lui a dit, « Awa lesta kumta tuhadithuna annana sanatouf. » Omar ibn Khattab lui a dit, « Mais est-ce que tu ne nous disais pas que nous allions faire le tawaf ?» Naam, le prophète sallam a promis cela, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fut sa réponse? « Wa anna sanati al-bayt fanatoufu bih » et qu'on n'allait pouvoir se rendre à la maison sacrée pour effectuer le tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Wa awa kultu laka hadha al-am » Il lui a dit, « Est-ce que je t'ai dit cette année ?» Et « Est-ce que je t'ai dit cette année ?» Alors Omar n'a pas trouvé de réponse. Radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vas venir à la maison sacrée et tu feras et tawaf. Omar ibn Khattab est parti voir qui? Abu Bakr. Et il lui a dit, ya Abu Bakr, alaysa nabi Allah, ô Abu Bakr, n'est-ce pas que c'est le prophète d'Allah? Il lui a dit, bala ya Omar. Il lui a dit, alasna ala al-haq, wala adu ala al-batin, n'est-ce pas que nous sommes sur la vérité, nous, et que notre ennemi est sur le faux? Il lui a dit, bala. Il lui a dit, falima nu'ti ad-daniyata fi dinina. Pourquoi alors on se rabaisse dans notre religion? Il lui a dit, ya Omar. Donc, le prophète, sallam, lors de la première discussion, était dans un endroit avec Omar, sans que Abu Bakr ne soit présent. Puis il est parti voir Abu Bakr dans un autre endroit. Et il lui a dit ces mots-là. Le prophète, Abu Bakr radiallahu anhu, lui a dit, ya Omar, wa rasulullah, c'est le messager d'Allah. Wa la ya'si, et il ne lui désobéit pas. Wallahu nasir, et Allah le secourra. Qu'est-ce qu'on remarque? Allahu Akbar. Exactement les mêmes paroles. Hada, comment cela est-il possible? Dites-moi, comment cela est-il possible? Hada bi tawfiqin min Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a accordé cette réussite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé cette réussite. C'est presque impossible que deux personnes qui sont dans un endroit différent, qui n'ont pas entendu la réponse l'un de l'autre, puissent dire les mêmes mots. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a entendu et accordé la réussite au messager sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui a fait dire cela à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Puis il a ajouté radiallahu anhu, fastamsik bi ghirzih, fa Allah innahu ala al-haq. Puis il lui a dit de rester cramponné à lui. Et il lui a dit que par Allah, il était sur la vérité. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, par la suite a dit, j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir dit tout cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors pour me racheter et pour, en espérant qu'Allah me pardonne, j'ai fait beaucoup de jeûnes non obligatoires. J'ai fait beaucoup de siyam et j'ai fait beaucoup de sadaqat et j'ai affranchi des esclaves en espérant qu'Allah me pardonne. Il a regretté. Naam, les compagnons qui ont eu cette position se sont repentis et sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala, car la sagesse dans un premier temps n'était pas pour eux apparente. On voit ici clairement le mérite de Abu Bakr, non pas sur toute la communauté, mais sur le meilleur des hommes après les prophètes et les messagers après lui, Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Vous connaissez tous Omar, son mérite, son rang en islam et ce qu'il a fait pour l'islam et les musulmans. Sachez qu'Abu Bakr radiallahu an est bien meilleur que lui. Et dans cela, ça ne diminue aucun le rang de Omar, mais ça ne fait qu'élever le rang de Abu Bakr radiallahu an, qui était le meilleur de toute la communauté. Qui était le meilleur de la communauté, comme un jour l'a dit Omar. Et comme un jour a dit Omar ibn al-Khattab, jamais je ne réussirai à te rattraper. Jamais je ne réussirai à te rattraper ou te dépasser. C'est le meilleur des compagnons et le meilleur de la communauté. Malgré ça, je trouve des hommes qui n'ont aucune part dans l'islam. Un groupe de personnes qui n'ont aucune part dans l'islam, qui insultent Abu Bakr et Omar et Aïcha et Hafsa et bien d'autres parmi les compagnons. Comment ces derniers pourraient goûter à la foi, la sentir même de loin? Qui sont ces gens-là? Une secte qu'on appelle Rafida. Ces gens-là pensent se rapprocher d'Allah en insultant les meilleurs des compagnons. Talha, Aïcha et les autres. En commençant par qui? Par Abu Bakr et Omar. Ils disent ce sont les hypocrites de la communauté. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme que j'aime le plus, c'est Abu Bakr. Puis Omar. Al-Rafida disent, les hommes qu'on déteste le plus, c'est Omar, Abu Bakr, puis Omar. Est-ce que ces derniers sont croyants? Ils insultent la femme préférée du prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha. Et ils disent, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils disent, c'est Aïcha. A'oudhu billah. Haoula majani, la balil majnoun khayrun minhum. Est-ce que ces gens-là ont perdu la raison? Non. Celui qui a perdu la raison et qui est fou est meilleur qu'eux. Car la plume est levée. Eux, la plume n'est pas levée. Naam, hum kafar. Hum kafar. Celui qui insulte Aïcha de ce qu'Allah l'a innocenté, il sort de l'islam. Et celui qui dit qu'Abu Bakr, Omar et la plupart des compagnons sont sortis de l'islam après la mort du prophète, alayhi sallatou wassalam, il n'a pas d'islam. Il n'a pas d'islam, wal'iyadu billah. Voici la position de Omar. Suhayl ibn Hanif a dit le jour de la bataille de Siffin, radiallahu an, Ayyuhannas, ittahimu ra'yakum. Oh vous les gens, accusez votre opinion personnelle. Parce que lui était là le jour de Sulh al-Hudaybiyah. Il a dit, Wallah, si vous m'aviez vu, ce jour-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Jandal de repartir, si j'avais pu désobéir, je l'aurais fait. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la raison en apparence, c'est un mal. Donc il leur a dit, accusez votre opinion personnelle. Et contentez-vous des textes. Non. Et après ça, tu trouves un ignorant, suiveur de ses passions, comme cet homme se dénommé Ayman Teher, qui fait des cours audio sur Internet, et qui dit... Ces gens-là qui répètent les paroles des savants sont-elles des perroquets? Allahu Akbar. Celui qui répète la parole des savants, c'est un perroquet? Allahu Akbar. Ici, tu trouves que les compagnons disent « Ittahimu ra'yakum ». Accusez vos opinions personnelles. Lui dit non. Utilise ton opinion personnelle. Subhanallah. Quel bien il y aura dans la communauté si ce sont ces gens-là qui sont les imams et les guides et les enseignants de la communauté? Ittahimu ra'yakum, comme l'a dit ce noble compagnon. Et revenez au Coran, revenez à la Sunna, revenez aux paroles des compagnons. Et voyez-vous faibles devant leurs opinions. Voyez-vous faibles devant leurs opinions. Naam. Barakallahu feikum. Ce sont les meilleurs de la communauté. Ce sont ceux qui ont sacrifié leur vie, leur argent, leur temps pour que cet islam pur vous parvienne de cette manière-là. Et aujourd'hui, on va jeter tout ça derrière notre dos. Et prendre des imams égarés, égareurs à notre époque. Délaissé qu'à Allah, délaissé qu'à Rasulullah. Qu'à sahaba radiallahu anhu. Qu'allons-nous faire du verset Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qu'allons-nous faire du verset Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri. Qu'allons-nous faire du verset Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Qu'allons-nous faire de tous ces versets? On les jette derrière notre dos et on prend la vie d'un égaré suiveur de passion. Naam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. si on n'apprend pas notre religion, et si on ne revient pas à nos bases, Al-Qur'an wa Sunnah, les paroles des compagnons, leur compréhension, Wallahi, on va s'égarer. Wallahi, on va s'égarer. On est plus nombreux, on est plus riches, n'est-ce pas, que les sahaba. Ils étaient peu, pourtant Allah les a élevés, les a honorés. Pourquoi? Car ils ont pris ces bases-là. Et si on cherche ce qu'ils ont trouvé, il nous faut prendre le même chemin. Et il nous faut revenir à leur chemin. Et tant qu'on ne fera pas cela, il ne faudra pas s'étonner de l'humiliation dans laquelle nous sommes. Et cette humiliation ne s'enlèvera pas tant qu'on ne se sera pas repenti de tous ces chemins. Et on ne sera pas revenu à un seul chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Donc en apparence, les compagnons ont vu qu'il y avait un rabaissement pour les croyants, un rabaissement pour l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a appelé tout ce qui s'est passé ici, fathan, et a révélé une sourate qui s'appelle Sourate al-Fath. Na'am, Sourate al-Fath. Donc en apparence, il y a un rabaissement. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ouverture. C'est une ouverture et c'est une introduction à l'ouverture de la Mecque. C'est une introduction à l'élévation des croyants, radiallahu anhu, mais au secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, dans Zadul Ma'ad, a cité des mérites de Sulh al-Hudaybiyah. En commençant par dire que personne ne peut dénombrer ses mérites et considérer ses mérites comme il se doit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux et grandioses. Il nous dit que c'est une introduction à l'ouverture, la plus grande ouverture, l'ouverture de la Mecque. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu conquérant avec ses compagnons ouvrir la Mecque. Et à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala a'azza rasulahu, il a renforcé, honoré son messager sallallahu alayhi wa sallam et ses suiveurs. Et par cette cause, les gens sont rentrés en masse dans la religion. Il nous dit également que ce traité-là est la plus grande ouverture pour les gens. Ils ont pu croire au grand jour. Ceux qui étaient cachés avec leur islam ont pu le manifester. Les croyants se sont mélangés aux autres. Ils ont pu donc leur lire le Coran sans craindre d'être agressés. Ils ont pu propager l'islam ou ad-din, ils ont pu prêcher, ils ont pu faire entendre aux autres le Coran, tout cela sans craindre pour leur personne. C'est pour cela qu'Allah l'a appelé Fathan Mubina. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé ouverture évidente. Je vous ai résumé avec mes mots. Donc les croyants ont cru qu'il y avait en cela une faiblesse. Mais au retour de ce voyage et de ses difficultés, Allah Azza wa Jalla a révélé Sourate al-Fath. Alors à ce moment-là, Omar radiallahu anhu a dit qu'il s'est apaisé. Il s'est apaisé. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait retourner Abu Jandal. Qu'en est-il des femmes? Est-ce qu'il a rejeté également les femmes? Est-ce qu'il a rejeté également les femmes? Non. Il n'a pas rejeté les femmes. Sans pour autant avoir failli au respect du traité. Sans pour autant avoir failli au respect du traité. Et cela de deux manières. La première est que dans le traité, est-ce qu'il a été fait mention des femmes ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on trouve dans le traité? La mention des hommes, non pas des femmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas failli au respect du traité. La deuxième raison, c'est que dans Sourate Al-Mumtahina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il y a la mention des femmes. Il y a أن أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. طيب سي با سو فيرسيت. إذا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يبايعن أجل آية إذا جاء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نعم الله سبحانه وتعالى نجي selon la traduction des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, si les croyantes vous viennent pour faire légir, éprouvez-les dans leur foi. Éprouvez-les dans leur foi. Et si vous voyez qu'elles sont croyantes, alors ne les retournez pas aux kuffar. C'est-à-dire, si elles vous viennent, elles font le hijra, après avoir vérifié qu'elles sont réellement croyantes, alors il ne faut pas les retourner comme on retourne les hommes. Il ne faut pas les retourner comme on retourne les hommes. Naam. Donc, premièrement, les femmes n'ont pas été mentionnées dans le traité. Et deuxièmement, il y a ce verset. Et cela s'est passé lors de cet événement. C'est que Umm Kulthoum, qui est Umm Kulthoum, pas la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Bintu Uqbata ibn Abi Mu'ayt. Sa fille était une jeune fille, s'est sauvée, elle a cru en Allah, en son messager sallallahu alayhi wa sallam, et elle a fait le hijra. Alors sa famille ont envoyé une délégation pour qu'elle leur soit livrée et retournée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas donnée. Pourquoi? Car ça n'entre pas en réalité dans les conditions. Non. Une histoire qui s'est passée concernant un autre compagnon après Abu Jandal. Après Abu Jandal, c'est l'histoire de Abu Basir. Quelle est l'histoire de Abu Basir radiallahu anhu? Un compagnon qui lui aussi s'est sauvé de Mecca et il a fait le hijra. Lorsqu'il est arrivé, Quraysh ont envoyé deux émissaires pour récupérer Abu Basir comme c'est stipulé dans le traité, n'est-ce pas? Donc lorsqu'ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, repars avec eux. Vous avez compris? Repars avec eux. Arrivé à Dhul Hulaifa, c'est où Dhul Hulaifa? Naam, c'est le miqat des gens de l'Médina. N'est-ce pas Rajid? C'est le miqat des gens de l'Médina. Donc, ils sont arrivés à Dhul Hulaifa, ils se sont arrêtés, et ils ont mangé quelques dattes et se sont restaurés. Abu Basir a vu l'épée de l'un de ces deux hommes. Naam, Abu Basir radiallahu anhu a vu l'épée de l'un de ces deux hommes. Il lui a dit, Inni arak saifaka jamilan, jayidan. Il lui a dit, oh combien ton épée est magnifique. Je vois que ton épée est belle. Alors l'homme, fa'akhrajahu, l'homme l'a sorti. Et il lui a dit, Iwallah, innahu la dhalik, innahu kadhalik. Il lui a dit, Naam, wallah, il est comme tu le dis. Waqad jarrabtuhu, et je l'ai déjà essayé. Faqala lahu arini, anzur ilay. Il lui a dit, fais voir, je vais regarder. Lorsqu'il lui a pris l'épée, il lui a mis un coup, il l'a fait tomber jusqu'à ce qu'il soit mort. Le deuxième s'est sauvé. Il s'est sauvé où? Pas à Mecca, à Al-Madina. Naam, il s'est sauvé auprès de qui, subhanallah? Auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont combattu, ils ont essayé de l'assassiner et ensuite ils se sauvent vers lui. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il s'est vengé? Est-ce qu'il les a opprimés comme ils l'ont promis? Non. Il l'a vu de loin, il a dit, cet homme-là a eu très peur. Il lui arrivait quelque chose. Il est arrivé, il lui a raconté l'histoire. Puis Abu Basir est arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une phrase dans laquelle on pourrait comprendre, toi tu vas ramener des problèmes. Na'am, tu vas déclencher une grande guerre. Ou une parole semblable. Abu Basir lui a dit, ya Rasulallah, toi tu as fait ce que tu avais à faire. Tu m'as remis entre leurs mains. Puis, je suis parti avec eux et Allah m'a sauvé. Na'am, c'est Allah qui m'a sauvé. Alors, yani, tu n'es pas, yani, toi tu as fait ton devoir. Laisse-moi moi faire ce que j'ai à faire maintenant qu'Allah m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que s'il restait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les remettre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il s'est sauvé et il est parti sur les côtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a remis dans les mains de Quraysh. Naam, Abu Basir est parti et il est resté sur la côte. Naam, on continue ba'd al-adhan inshallah. Donc lorsque l'homme s'est sauvé à Medina et qu'il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté au prophète alayhi wa sallam que son compagnon a été tué. Et il a dit, wa inni maqtoul. Il a dit, et moi, yani mon tour arrive. Puis lorsque Abu Basir est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec lui. Abu Basir lui a dit, qad wallah awfallah dhimmatak. Et quant à toi, au message d'Allah, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ce qui relevait de ta responsabilité. وَقَدْ رَدَتَّنِي إِلَيْهِمْ. Et tu m'as remis à eux. ثُمَّ نَجَّانِ اللَّهِ. Puis Allah m'a sauvé. نَجَّانِ اللَّهُ مِنْهُمْ. Il m'a sauvé de leurs mains. فَخَرَجَ أَبُو بَصِيرٍ. Puis Abu Basir est parti sur les côtes. Et par la suite, les gens ont entendu parler d'Abu Basir. Donc au lieu de se sauver à Al-Madina, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il se sauvait, il rejoignait Abu Basir. Jusqu'à ce que le nombre augmenta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont cherché leur rizq? Lorsque les caravanes de Quraysh passaient, ils les attaquaient. Naam. Au final, les gens de Quraysh, qu'est-ce qui a mis ce traité? C'est Quraysh ou c'est les musulmans? C'est Quraysh. Au final, ce traité leur a, yani ce point-là du traité leur a nui dans leur commerce, dans leur sécurité et autres. Donc ils ont annulé ce traité. Et on dit, khalas, prenez, yani prenez-les, lorsqu'ils viennent, ne les renvoyez pas. Naam, lorsqu'ils viennent, ne les renvoyez pas. C'est ainsi que lorsque tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anta wathiqun billah, et tu as pleinement confiance en Allah, wa mustaslimun li amrika ilayh, et tu abandonnes ton affaire à Allah, wa mutawakkilan alayh, et tu comptes pleinement sur lui, et tu as confiance en Allah, Allah azza wa jal yaj'alu laka min kulli dhiqin makhraj. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une issue dans toute difficulté. C'est eux qui ont mis ce traité et regardez la finalité. Naam. Finalement, ils reviennent à Al-Madina avec leur rizq. Aminin, mutma'innin. Pendant le sulh, Quraysh ont encore trahi. Pendant le sulh, Naam, Quraysh ont encore trahi. 80 parmi leurs hommes ont essayé de prendre par surprise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Dans certaines versions, on trouve que c'était lors de la prière du Fajr. Mais ils ont été dévoilés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a capturés. Par la suite, il les a excusés, il les a libérés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans suratul Fath, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. Dans suratul Fath, le verset 24, je vais lire sa traduction. à défaut de pouvoir le traduire. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux, et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Donc ils ont essayé de trahir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a capturés, par la suite il les a excusés, les a laissés partir. Une deuxième histoire semblable, avec moins de personnes, et le même verset. J'ai un doute si lorsque j'ai lu en premier j'ai fait une faute. À la kulli hal, la dernière lecture est la bonne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il n'allait pas pouvoir faire le tawaf et faire l'umra, il est sorti, a réuni les compagnons et leur a dit de sacrifier leurs bêtes. Car pendant l'umra, c'est une sunnah de sacrifier le hadi. Pendant le hajj, c'est obligatoire. Et il leur a dit de se raser la tête, puis de sortir de leur état d'ihram. Aucun parmi les compagnons ont bougé. Puis il leur a dit une deuxième fois, aucun parmi les compagnons ont bougé. Puis il leur a dit une troisième fois, aucun parmi les compagnons ont bougé. Alors il est rentré chez Umm Salama. Et il lui a dit, oh Umm Salama, ne vois-tu pas que j'ai ordonné aux compagnons de faire ceci et cela, et ils n'ont pas agi? Elle lui a dit, écoutez le conseil de l'épouse pieuse, radiallahu anha, et regardez la modestie du prophète, alayhi wa sallam. Il revient à son épouse, lui montre un problème, et c'est elle qui l'oriente à la solution. Elle lui dit, tu aimerais qu'il le fasse? Il dit oui. Elle lui dit, ya Rasulallah, sors et ne parle à personne. Prends ta bête, sacrifie-la. Et rase-toi la tête. Et tu verras. Il est sorti, il n'a parlé à personne. Il a sacrifié sa bête. Et ce jour-là, il en avait 70 ou 60 pour Allah. Nous, au Hajj, on en achète combien? Un. Et on dit, c'est cher. Au Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a sacrifié combien? Combien il en a sacrifié? Il en a sacrifié 100. Il a pris 100 bêtes sacrifiées pour Allah tabaraka wa ta'ala. De sa main, 63 ans, comme son âge. Et il a donné le reste à qui? Ali ibn Abi Talib encore, radiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib. Et là, 70 bêtes. Ils les ont sacrifiées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre une défaite psychologique à Kuffar Quraysh. Vous savez ce qu'il a sacrifié? Il a sacrifié le chameau de Mahda Abu Lahab. Naam. De Abu Lahab ou un autre parmi Sanadid Quraysh. Est-ce que c'est Abu Lahab? Abu Jahl. Abu Jahl. Il a pris le chameau d'Abu Jahl. Il avait un anneau. Et c'était un gros chameau, un beau chameau. Et il l'a sacrifié. Naam. Liyariza al-Mushriki. Puis, il a appelé son coiffeur. Et il s'est rasé la tête. Lorsqu'ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous levés. Ils ont sacrifié leurs bêtes. Et ils se sont rasés la tête. Ils ont failli se tuer les uns les autres tellement ils étaient tristes. Hein? Pourquoi ils étaient tristes? Parce qu'ils voulaient faire l'umra. Pourquoi ils étaient tristes? Parce qu'ils voulaient faire le tawaf. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Et il est savant. Donc il a décrété qu'il n'allait pas faire cette année. Mais il a légiféré beaucoup d'autres choses et il y a eu beaucoup de bien qui a découlé de cela. C'est ce qu'on étudiera, inshallah ta'ala, la fin de Sulh al-Hudaybiyyah la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.